On ti souk sebe, ou pa jeme dekole. On soare determine, faut pas tini restriction. On se recolle, ou pa jeme dekole. On soare très habillé, même si ou en bas Coca-Cola. Ankeman, toute la soirée. Ankeman, en bas Coca-Cola. Ankemola, en bas Coca-Cola. Ankeman, toute la soirée. Ankeman. Soirée, okay.